Jean Bosco, Douimane. Albert Ndouayo assure la mise en onde de ce journal. Merci d'être avec nous. Voici les grands titres. Cette personne, dont celle qui aurait blessé par balle deux habitants du quartier Gisagara au chef-lieu de la province Ngozi, la nuit de dimanche à lundi, ont été arrêtés par la police. Et le président du parti CNDD, invité en Belgique à une rencontre avec une délégation du facilitateur dans le conflit burundais, souhaite que la prochaine session des pourparlers comprenne aussi des discussions sur la constitution et les accords d'Arusha. Et une trentaine de maisons ont été remises aux familles qui seront expropriées à cause du passage de la ligne électrique Ruzizi 3 traversant les provinces Cibitoke, Bubanza et Bujumbura et dont la production sera partagée par la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Voilà pour les quelques titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Remise ce mardi de 32 maisons aux familles dont les parcelles seront touchées par la ligne électrique de Ruzizi 3. Cette ligne part de Kamanyola en République démocratique du Congo vers le Rwanda en passant par le Burundi. Odas Nisumga, chargé des questions environnementales et d'indemnisation des familles touchées, indique que l'électricité qui sera produite va être partagée équitablement entre les trois pays. Suivez. La ligne Kamanyola-Bujumbura est une composante de la centrale Ruzizi 3. Et le Ruzizi 3 prévoyait dans les premières études de donner 145 MW à partager entre trois pays. Et maintenant, un nouveau développeur est venu et nous attendons que la capacité de la centrale se verra à la hausse. Actuellement, elle est projetée à 215 MW. On peut comprendre que chaque pays aura en moyenne 70 MW. C'est une grande capacité d'énergie qui pourra aider le Burundi à se développer considérablement. Et comme vous l'avez pu constater vous-même, nous avons déplacé 32 maisons. Et une maison à mi-construite, et une étable et une fondation. Pour toutes les maisons, nous pouvons vous rassurer que toute la population a vu ses conditions de vie s'améliorer. D'ici peu, nous pouvons préciser, d'ici un mois ou un mois et demi, et les travaux de construction des fondations vont commencer. Il n'y a pas intérêt alors que la population aille cultiver des plantations dans les chemins d'accès, puisque ces plantations se verront détruites. Toutefois, nous avons l'obligation de les indemniser sur ces terres tenues de cultiver en termes de saison et en termes de culture qui y étaient cultivées auparavant. L'électricité, je ne saurais pas dire, mais la disponibilité de la ligne est planifiée d'être disponible avant 2020. C'était Odas Nisumga, il est chargé des questions environnementales et d'indemnisation des familles qui seront touchées par le passage de la ligne électrique Ruzizi 3. Une délégation du facilitateur dans le conflit burundais rencontre l'opposition externe ce jeudi à Bruxelles, en Belgique. Le président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, invité, dit que le souhait du gouvernement burundais de faire du cinquième round de la dernière session des pourparlers est peu probable, mais que tout dépend de la bonne volonté du gouvernement à travers des actions concrètes de décrispation, comme la libération des prisonniers politiques. Selon lui, l'agenda de la prochaine session devrait comprendre aussi des discussions sur la constitution et les accords d'Arusha. Suivez Léonard Nyangoma, j'entends téléphone par Charles Makoto. Ce que nous attendons, ces consultations, d'abord, nous attendons que nous puissions quand même converger, nous entendre avec la facilitation sur la méthodologie et l'agenda de ce prochain round de négociations, pour que nous puissions attendre réellement la médiation qui a déjà rencontré l'autre partie qui est représentée par le gouvernement, que nous puissions apprendre une bonne nouvelle que le gouvernement est d'accord d'abord pour la restauration de la constitution et de l'accord d'Arusha, deux lois ou deux textes fondamentaux qui réellement sont les socles de la stabilité de notre pays. Pour le gouvernement, ce round devrait être le dernier. Qu'en pensez-vous? Ce round, tout le monde souhaiterait que les négociations puissent aller rapidement, puissent aller vite pour réellement rétablir la paix, la sécurité pays ou rétablir la démocratie. Tout cela dépendra principalement de nous tous, mais je dirais plutôt principalement du gouvernement, parce que depuis que nous avons commencé ces pourparlers, le gouvernement a toujours traîné les pieds. Il n'est jamais tard pour bien faire. Je pense que les membres de ce gouvernement peuvent réfléchir et changer de tir, et quand ils viendront au prochain round, que les représentants du gouvernement puissent dialoguer. Et s'ils le font sérieusement, je suis sûr que les négociations pourraient aller très vite. Vous parlez des dialogues autour de la Constitution, autour des accords d'Arusha, mais il y a des élections qui ont été tenues auxquelles a pris part l'opposition burundaise, dont certains membres du Sénared aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop demandé si vous demandez également de discuter si les accords d'Arusha et la Constitution qui a été changée? En fait, ce sont des élections qui ont été préparées dans des conditions inacceptables. C'est pour cela que ça c'est non négociable. On ne peut même pas discuter la question de restaurer la Constitution, de restaurer l'accord d'Arusha. Et nous souhaiterions même que, avant le prochain round, le gouvernement fasse un geste dans le sens de créer un climat de conscience. C'est quoi? Il y libère tous les prisonniers de conscience et sans condition. C'était Léonard Nyangomaya, c'est le président du parti CNDD au téléphone avec Charles Makoto. La rédaction n'a pas encore réussi à avoir la réaction du porte-parole du ministère de l'Intérieur qui représente habituellement le gouvernement burundais dans ses pourparlers. Politique toujours avec le flambeau de la paix qui a permis de réconcilier les Burundais durant les années passées, d'après le président de la République qui s'exprimait ce mercredi lors du lancement de la 12e édition du flambeau de la paix sur la colline Bitare, en commune de Bugendana dans la province de Gitega. Le président de la République a indiqué que durant le voyage de ce flambeau de la paix, des écoles seront construites, des ponts et divers autres bâtiments comme ils l'ont commencé au village Makaba de la colline Mourire, où une école technique en étage est en cours de construction. Ces cérémonies ont connu la participation de plusieurs hauts cadres de l'État, en commençant par le président du Sénat, les ministres et les représentants de différentes confessions religieuses. Isanganiro. La loi portant promotion des droits des personnes vivant avec handicap contient certaines dispositions qui favorisent ces personnes dans leur vécu quotidien. La présidente de l'Union des personnes vivant avec handicap signale notamment le fait que cette loi prévoit une éducation inclusive. Toutefois, certaines de leurs revendications n'ont pas été retenues dans cette loi, selon Adélaïde Nyigina. Elle explique aussi pourquoi leur organisation a plaidé pour la traduction de cette loi en langue nationale. Nous avons pensé à la traduction du texte en Kirundi parce que la loi est libellée en langue française et voir les personnes handicapées et la communauté tout entière. La majorité ne connaît pas la langue française. C'est pourquoi nous avons voulu traduire le texte en langue française pour qu'il soit accessible à la communauté tout entière et surtout aux personnes handicapées. Je dirais que nous avons un sentiment de satisfaction, d'une part parce qu'il y a eu la promulgation de la loi. C'est un instrument que nous avons voulu il y a longtemps, à partir de 2002. Je serais très satisfaite si tous les articles que nous avions proposés dans le texte original étaient promulgués avec l'intégration. Mais je pense qu'au fur du temps, il y aura la mise à niveau en incluant les textes qui ont posé des problèmes parce qu'il y a des articles qui demandent beaucoup de fonds. Je dirais que la mise en œuvre de la loi qui a été promulguée n'est pas encore effective, malgré qu'il y a des actions, de bonnes actions qui se réalisent au niveau du ministère ayant la protection sociale et droits de la personne humaine. Mais je pense que après la mise en place des textes juridiques qui accompagnent la loi, je pense que la loi sera vulgarisée et mise en application par la communauté entière ainsi que les institutions de prise de décision ici au pays. C'était la présidente de l'Union des personnes vivant avec handicap, Adélaïde Nyigina. Ses propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Et la police a mis la main sur cette personne, dont celle qui aurait blessé par balle deux habitants du quartier Gisagara au chef-lieu de la province Ngozi. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Un fusil de type Kalachnikov et une grenade ont été également saisis. Selon la police Ngozi, le fusil qui a été utilisé dans ce forfait avait été volé il y a quelques mois à un policier de la commune Mumba, comme nous le rapporte notre correspondant Apollinaire Muzagara. Pensez à la Chambaliza et cet homme qui a été arrêté dans une maison de passage dite Maison Jaune, munie d'un fusil Kalachnikov et d'une grenade. Il reconnaît avoir tiré sur Elvis Atungimana et la douce Wizimungu dans une boutique du quartier Gisagara, toujours en ville d'Ongozi. Les deux sont pour le moment admis dans un des hôpitaux de cette province. Comme l'indique le commissaire provincial de la police, des informateurs collaborant avec la police sont alors allés sur la piste après le forfait et ont fini par arrêter le malfaiteur par ruse. C'est ainsi que Ponce Barachambaliza a été appréhendé dans une chambre de cet hôtel et les armes cachées sous le lit. Parmi cinq autres personnes déjà arrêtées figure le gérant de cette maison de passage. Selon le commissaire Edouard Mukoko, cet homme, Willy Ngurunziza, a tenté de cacher son malfaiteur, mais en vain. Son fusil appartenait à un policier en fonction en commune Mumba. Il avait été volé le 18 mai passé. Un procès en flagrance sera bientôt fixé selon le responsable judiciaire de cette province. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. En actualité internationale, Alexis Thambwe Mwamba a été entendu sur quatre autres pendant 3 heures environ et pour la première fois par la police judiciaire de Bruxelles en Belgique. Le ministre congolais de la justice est accusé en Belgique de crimes contre l'humanité suite à la plainte de famille des victimes du crash d'un avion dans l'est de la RDC, abattu le 10 octobre 1998 par le mouvement rebelle du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, dont Alexis Thambwe Mwamba était l'un des responsables. Il avait lui-même revendiqué l'attaque, notamment sur RFI. Son avocat assure qu'il était impatient de répondre à la justice belge. Et en Mauritanie, les résultats de l'élection législative régionale et locale de samedi dernier sont toujours attendus. Et dans l'entretemps, la pression s'accentue sur la Commission électorale nationale indépendante. Hier, mardi au soir, et selon RFI, les leaders de l'opposition sont allés à la rencontre du président de la CENI pour dénoncer les fraudes et tentatives de manipulation des chiffres au profit du parti au pouvoir et l'intrusion de l'administration dans le processus électoral. Un message de protestation et de colère a été porté par les dirigeants des 15 principales formations de l'opposition mauritanienne. C'est assez nouveau que la fraude soit organisée de façon systématique, disent-ils. Le président de la CENI oppose la neutralité de la commission. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les titres avant de nous séparer. Cette personne, dont celle qui aurait blessé par balle deux habitants du quartier Gisagara au chef-lieu de la province Ngozi, la nuit de dimanche à lundi, ont été arrêtés par la police. Et le président du parti CNDD, invité en Belgique à une rencontre avec une délégation du facilitateur dans le conflit burundais, souhaite que la prochaine session des pourparlers comprenne des discussions sur la constitution et les accords d'Arusha. Vous avez suivi Léonard Nyangoma à ce propos. Une trentaine de maisons ont été remises aux familles qui seront expropriées à cause du passage de la ligne électrique Ruzizi 3 traversant les provinces Cibitoke, Bubanza et Bujumbura et dont la production sera partagée par la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana qui a repris la relève de l'autre côté de la baie vitrée au micro. Jean Bosco Douimana. Un bon après-midi.